Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, arnaque, crime et CO2, l'incroyable histoire de l'escroquerie à la taxe carbone. S'il ne fallait retenir qu'un chiffre dans tout ce dossier, ce serait celui-ci, 1 milliard et 700 millions d'euros, autant d'argent public subtilisé par des mafieux en col blanc en l'espace d'un an et demi. Tout est parti de la création d'un marché européen de quotas sur les émissions de carbone. Bruxelles pensait avoir agi dans l'intérêt du climat. Personne n'imaginait alors qu'on venait de laisser le champ libre à des escrocs. Grâce à quelques ordinateurs, des comptes dissimulés à l'étranger et un stratagème vieux comme le monde, des délinquants financiers allaient trouver la faille et commettre un gigantesque hold-up au nez et à la barbe des autorités. Si depuis, le dossier de l'escroquerie à la taxe carbone a été jugé devant les tribunaux, si une grande partie des coupables ont été condamnés, il reste toujours dans cette affaire des secrets bien gardés, des meurtres non élucidés, oui des meurtres, et surtout de montagnes d'argent jamais retrouvées. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Fabrice Arfi, co-responsable du service enquête de Mediapart. Il travaille sur ce dossier depuis plusieurs années. Son dernier livre, intitulé « D'argent et de sang », nous plonge précisément dans les coulisses de cette mafia du CO2, à la manière d'un polar, sauf qu'ici, tout est vrai. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouen, Affaires sensibles sur France Inter. Palais de justice de Paris, 32e chambre correctionnelle, lundi 2 mai 2016. Dans la salle d'audience, une foule de journalistes et de curieux s'installe. À l'ordre du jour, l'ouverture d'un procès très attendu, celui d'une filière, l'une des plus importantes dans l'affaire dite de l'escroquerie à la taxe carbone. Tentaculaire et nébuleuse, l'histoire de cette mafia en col blanc fascine autant qu'elle intrigue l'opinion. Dans ce dossier qui ne ressemble à aucun autre et dans lequel la justice navigue à vue entre rumeurs et faits avérés, entre fantasmes et vérités, les magistrats entendent bien lever le voile sur la responsabilité de chacun des accusés, c'est son rôle. Quant au procureur, il espère au terme des débats et des délibérés obtenir une condamnation exemplaire. Car ici, la victime de toute cette affaire, c'est l'État français, les contribuables, c'est vous, c'est moi. Et le préjudice pour les comptes publics est astronomique. On accuse la douzaine de prévenus d'avoir subtilisé presque 300 millions d'euros. Il est 10h, ce lundi 2 mai, lorsque les membres présumés de la filière parisienne de la mafia du carbone font leur entrée dans la salle d'audience du tribunal. Moyennant pour certains des cautions records, ils comparaissent libres jusqu'à l'énoncé du jugement. Parmi les prévenus, certains ne se présentent pas ce matin-là. La police les soupçonne d'avoir déjà pris la fuite en Israël. Parmi ces hommes, âgés en moyenne d'une quarantaine d'années, qui prennent place tour à tour dans le box, il y en a un qu'on reconnaît immédiatement à son physique séduisant et sa chevelure de magazine de mode. C'est Arnaud Mimran. 44 ans, c'est une figure des beaux quartiers parisiens. Ex-golden boy de la bourse et de l'immobilier, il est aux yeux de la justice le principal financier de toute la filière parisienne de l'escroquerie et la taxe carbone. D'après les chiffres dont disposent les juges, Mimran aurait investi entre 8 et 10 millions d'euros dans l'arnaque pour un rendement estimé à plus de 477% en l'espace de 18 mois. Joueur de poker invétéré, l'homme aurait mené grand train de vie à travers le monde en dépensant sans compter l'argent qu'il avait détourné dans des parties de cartes à plus de 400 000 dollars le jeton. Si le principal intéressé a toujours nié un tel enrichissement, expliquant en passage et pour sa défense qu'il ne savait pas qu'il enfreignait la loi, le journaliste du quotidien Le Monde, Simon Piel, affirme lui que la justice possède une multitude de preuves contre Mimran. Face aux enquêteurs, Arnaud Mimran a longtemps joué le rôle de l'étonné, ou de celui qui n'avait fait que prêter de l'argent, sans trop savoir à quoi il était destiné. Désormais, les magistrats ont entre les mains des éléments sur lesquels l'homme d'affaires va devoir s'expliquer. Lors des perquisitions, les policiers ont en effet découvert un compte bancaire à son nom, crédité de plus de 7 millions d'euros. À cela s'ajoute la saisie d'un luxueux appartement dans le 16e arrondissement de Paris, un bien estimé à plus de 5,5 millions d'euros. Enfin, la justice a également mis la main sur une rutilante Mercedes McLaren SLR, un bolide surpuissant avec lequel Arnaud Mimran avait pris pour habitude de dépasser les 250 km/h sur autoroute. Des frasques qui lui avaient déjà valu de comparaître devant un tribunal. À côté de ce personnage, on trouve l'un des fidèles acolytes et partenaires aux tables de cartes, un certain Mardoché Mouly. Un individu qu'on appelle plus communément dans le milieu Marco. Originaire de Belleville, adepte de l'escroquerie à la TVA, il traîne derrière lui une longue carrière de délinquant financier. Dans cette affaire, la justice le soupçonne d'être l'un des instigateurs du système d'escroquerie et d'avoir également largement profité de l'argent détourné pour mener une vie de jet-setter entre Saint-Tropez, Miami, Dubaï, Hong Kong. Anecdote qui en dit long sur le personnage. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il avait l'habitude de fanfaronner. Tu sais, c'est moi qui ai inspiré le rôle du milliardaire à Gad Elmaleh pour son film Coco. Ah bon. La troisième personne qui aurait dû être assise dans le box, c'est Samy Souyed. Associé à des cercles de jeux clandestins de la capitale, on le surnomme le caïd des hippodromes pour son rôle de blanchisseur et de bénéficiaire de paris truqués. L'homme a investi plus de 5 millions dans l'arnaque et il en aurait récupéré, selon certaines sources, 40 fois plus. Problème pour les juges, Souyed ne pourra jamais expliquer ce qu'est devenu tout cet argent et pour cause. Il a été assassiné quelques années plus tôt, victime apparemment d'un règlement de compte entre truands de la mafia du carbone. Dans le box, outre Mimran ou Mimran, comme vous voulez, Mouly, il y a d'autres têtes bien connues du milieu du banditisme financier. Ici Gilbert Chicly, là Grégory Zaoui, l'un des pionniers du système de la fraude au carbone. Plus loin, Cyril Astruc, arnaqueur notoire, l'homme qui se vantait de gagner 600 000 euros par jour à la grande époque des quotas de CO2. Il y a aussi d'autres visages moins connus, des seconds couteaux, des intermédiaires, des hommes de paille, comme Patrick Belaïche, par exemple. Face au juge, celui-ci affirme que dans cette affaire, si le vrai patron c'était Samy Souyed, pour le réseau en revanche, c'était Marco Mouly, le chef de projet. L'envoyé spécial de France Inter, Sarah Guibaudot, témoigne de ces règlements de compte à la barre. Certains sont des vieux routiers de l'escroquerie à la TVA notamment. En 2008, l'un d'eux prétend avoir un plan béton. Ils trouvent deux investisseurs, il leur faut aussi des sociétés qui aient l'air vraies, ils font le tour de leurs relations. J'avais des dettes, deux sociétés en difficulté, je les ai vendues pour 500 000 euros, raconte Patrick Belaïche, vendu clé en main avec deux gérantes de paille, ses propres nièces. Pour gagner la confiance des banques, le capital des sociétés passe sur le papier de 7 500 euros à 50 millions grâce à une combine. Ensuite, il faut ouvrir des comptes à l'étranger. À Chypre, c'est trop facile, raconte l'un des prévenus, Marco Mouly. Reste à savoir si l'escroquerie au quota carbone va marcher. En décembre 2008, l'équipe commence doucement ce test, puis c'est le jackpot. Feu Samy Souyed, abattu en 2010 à Paris, se vantait d'avoir gagné 200 millions, se souvient Belaïche, tout en espèces. Il avait confié 40 millions à un petit cousin à moi. À sa mort, il a déterré l'argent de son jardin à Jérusalem. Tout le monde s'est régalé avec le carbone, lance Mouly. Oui, enfin, coupe le président du tribunal, le contribuable français rigole moins. Sur le fond, ce que la justice reproche à la douzaine de prévenus, c'est d'avoir, pour certains mis en œuvre, puis exploité pour d'autres juste de participer, un système frauduleux qui visait à détourner la TVA sur l'achat et la revente de quotas carbone en France entre novembre 2008 et juin 2009. Pour bien comprendre de quoi il est question ici lorsqu'on parle de taxe au quota de carbone, et surtout comprendre comment le mécanisme de l'arnaque a pu se mettre en place, il est nécessaire de revenir au début des années 2000, à une période où certains de nos dirigeants politiques cherchaient à protéger le climat en taxant la pollution au gaz carbonique, et où, sans le savoir, ils ont eux-mêmes ouvert la porte à l'une des plus grandes fraudes financières de la planète. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Le 3 septembre 2002, à la tribune du sommet mondial du développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud, le président Jacques Chirac tire la sonnette d'alarme. 5 ans après l'accord historique de Kyoto sur le climat, protocole qui, rappelons-le, prévoyait une baisse d'au moins 5% des émissions de gaz à effet de serre et l'instauration de quotas d'émissions de carbone, associations et citoyens attendent toujours des actes concrets. Au niveau européen, l'idée qu'il emporte, pour l'instant, est celle d'une fiscalité verte, autrement dit une taxation des entreprises qui polluent le plus. Dans les grandes lignes, Bruxelles souhaite mettre en place un système de quota carbone. Pour y parvenir, elle va s'inspirer d'une méthode mise en place quelques années plus tôt aux États-Unis. Le 20 octobre 2003, la Commission européenne instaure un système communautaire d'échange des émissions de CO2 entre pays de l'Union, la Bourse européenne au carbone, était née. En France, un millier de sites industriels sont concernés par cette nouvelle règle du pollueur-payeur. Sollicitées par l'État, les entreprises doivent se mettre au plus vite en conformité. Et comme l'explique Anaïs Delbosque, chef de pôle à la mission climat de la Caisse des dépôts, au micro de France Culture, sur le papier, le principe de cette taxe carbone est très simple. Comment ça fonctionne ? On a un régulateur qui fixe un objectif d'émission. Cet objectif d'émission, on le convertit en quota. Quota d'émission, c'est-à-dire qu'un quota représente une tonne de CO2. Donc si on est Lafarge, par exemple, on a, pour chaque pays, on a une liste d'installations qui sont concernées par le marché, qui vont recevoir un certain nombre de quotas. De droits à polluer, de droits d'émettre. Et chaque année, on va comparer les émissions par rapport aux quotas. Si on émet moins que ces quotas reçus, on va pouvoir revendre une partie de ces quotas sur un marché, marché financier. Si par contre on émet plus que ce qu'on a reçu comme quota, on va s'approvisionner sur ce marché-là pour être en conformité avec ses engagements. En cette fin d'année 2008, la ministre des Finances, Christine Lagarde, se félicite. En l'espace de quelques mois, la France est devenue le meilleur élève du marché du carbone. Et la Bourse de Paris devient l'épicentre des transactions et des échanges des quotas. Paradoxe de la situation, pour des raisons qui restent aujourd'hui encore obscures et qui s'expliquent peut-être par la précipitation dans laquelle s'est faite cette réforme, Bruxelles décide dès le départ que les quotas carbone ne seront pas assimilés à un instrument financier, non mais à un bien matériel. Et comme tout bien matériel vendu dans l'Union européenne, ils seront donc assujettis à la TVA. C'est à partir de ce moment-là que l'arnaque qui nous intéresse commence. Parmi la ribambelle d'escrocs qui comparaissent au mois de mai 2016 devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès de la filière, tous se connaissent depuis longtemps et sont pour la plupart des spécialistes reconnus de l'arnaque à la TVA, ou pour être tout à fait exact, de l'arnaque au carrousel, sa version améliorée. Dans les colonnes du journal Le Monde, le journaliste Simon Piel explique les grandes lignes de ce subterfuge. Dans une fraude au carrousel, l'escroc achète hors taxe et importe des objets de consommation en France. Cela peut être des jeans, des chaussures, des ordinateurs ou des téléphones portables. Ensuite, il revend ces mêmes objets à une multitude de sociétés bidons, derrière lesquelles se cache souvent une seule et même personne, un homme de paille. Enfin, une énième société plus officielle se charge de revendre le bien, toute taxe comprise, dans les magasins. Pour que l'arnaque fonctionne, cette dernière société disparaît avant que l'administration fiscale puisse lui réclamer le montant de la TVA. Impossible pour l'État de remonter le fil des transactions. Le tour est joué. Eh bien, avec la taxe carbone et ses quotas, c'est le même principe. Mieux même. Après quelques manipulations, les escrocs se rendent très vite compte qu'ils vont bénéficier de deux immenses avantages. Le premier, c'est que si tout est virtuel, pas de containers à réceptionner, pas de stock à gérer, pas de douane à éviter, enfin, pas de facture à envoyer. Non, il suffit juste de créer une entreprise et de l'inscrire sur le registre de la bourse aux transactions des quotas carbone tenues par la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, eh bien l'arnaque peut commencer. Second avantage pour les délinquants, la vitesse avec laquelle ils vont pouvoir en quelques clics réaliser plusieurs dizaines d'opérations d'achat-vente. Et comme en témoigne la journaliste Aline Robert, l'architecture même du système d'échange de la bourse au carbone va favoriser cette fraude. On va avoir une fraude de carrousel assez classique qui se déporte sur le marché le plus rapide du monde. C'est la... Donc il y a un effet multiplicateur. Il y a un effet boule de neige incroyable qui est lié à cette vitesse d'échange qu'on peut avoir sur un marché financier et en plus sur ce marché qui était d'une rapidité extrême. On pouvait acheter-vendre très rapidement. Courant 2007, celui qui sera par la suite cité à comparaître dans le futur procès parisien de la mafia du carbone, Grégory Zaoui, se rend dans plusieurs salons consacrés à l'écologie. À la recherche d'une bonne affaire, ou plutôt d'une bonne arnaque, le natif d'Aubervilliers, habitué des fraudes en tout genre, tombe sur des brochures qui mettent en avant un marché émergent, celui des quotas de CO2. Sur le papier, les chiffres engagés par les industriels donnent le vertige. On parle ici de plusieurs dizaines de milliards d'euros et on y parle surtout de TVA. Bien, Zaoui se renseigne, s'instruit et tente sa chance sur ce nouveau circuit. Depuis un cybercafé parisien, le jeune homme passe des ordres de virement pour sa société. Il achète et vend des quotas carbone et, très vite, il amasse des sommes considérables. Comme en témoigne l'enquête des journalistes du Monde, Pascal Robert, Diard et Simon Piel. Zawi commence par acheter 80 000 tonnes de CO2 à 4,20 euros la tonne sur le marché du carbone des Pays-Bas. Il prélève ensuite 10 000 tonnes qu'il fait circuler entre plusieurs sociétés. Lorsqu'elles ont suffisamment tourné pour brouiller la trace de l'acquéreur d'origine, il revend les 10 000 tonnes à 4,10 euros, soit 10 centimes de moins que le prix d'origine sur le marché français du carbone. Des acheteurs extérieurs se ruent sur la bonne affaire. Dans la foulée, la Caisse des dépôts et consignations avance à Zawi le montant de la TVA, 19,6%, ce qui fait pour lui grimper le prix du quota à 4,91 euros. Bilan des opérations, en quelques clics, la plus-value sur les 10 000 tonnes atteint les 7000 euros. Et le soir même, la Caisse des dépôts vire le bénéfice de la transaction sur son compte à Hong Kong. 7000 euros de bénéfice en seulement quelques minutes. Grégory Zawi comprend qu'il a entre les mains une formidable rente. Et comme l'individu est joueur, il sait que pour gagner plus, il va lui falloir miser encore plus. Grégory Zawi va faire appel à l'argent de ses amis ainsi qu'à celui d'autres relations issues du milieu du banditisme marseillais. C'est à ce moment précis que l'affaire de l'escroquerie à la taxe carbone va se partager en plusieurs filières et s'organiser en plusieurs équipes. L'une des plus célèbres et des plus lucratives sera celle du trio Ardo Bimran, Marco Bouli et Samy Souillette. Au printemps 2008, dans l'arrière-salle des restaurants cachers du 17e arrondissement ou dans les réserves des boutiques textiles du quartier du Sentier, les nouvelles circulent vite. Le marché du carbone, au rendement aussi mystérieux qu'étonnant, apparaît comme un nouvel Eldorado. Mis au parfum par ses relations, Marco Bouli décide à son tour d'en parler à son ami Samy Souillette. Les deux hommes, originaires de Belleville, se connaissent depuis l'enfance. Ils s'apprécient, se font confiance. À Samy, Marco lance le sourire en coin. « Tu vas voir, l'argent du carbone, c'est encore plus facile que de voler une pomme à l'épicerie. » Mu par le goût de l'argent et du risque, Souillette investit 5 millions d'euros d'argent sale provenant du cercle de jeux clandestin dans lequel il est associé. Démarché lui aussi pour participer à la lucrative arnaque, Arnaud Mimran, une autre connaissance de Marco Bouli, investit lui plus de 8 millions d'euros. Les trois hommes créent alors une multitude de sociétés bidons aux noms tous plus loufoques les uns que les autres, tels que Carbonara ou Label 5. Ils engagent également une cohorte de gérants fantômes. À chaque fois, les papiers sont en règle. Personne ne contrôle en détail leurs opérations. À chaque fois, les sociétés écrans achètent, puis vendent. Elles se font ensuite rembourser la TVA, puis disparaissent des radars. Paradoxe de toute cette affaire, c'est l'État, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et des consignations, qui réalise le blanchiment des sommes, malgré lui. En quelques mois, la Caisse des dépôts envoie en effet des dizaines de millions d'euros de remboursement de TVA sur des comptes situés dans des paradis fiscaux, notamment Chypre, Panama, Dubaï, Hong Kong. Si bien qu'à la fin de l'année 2008, notre trio d'escrocs parisiens et leurs associés sont à la tête d'un pactole de plus de 150 millions d'euros et ils n'entendent pas s'arrêter là. Retourne au procès du casse du siècle devant le tribunal correctionnel de Paris. Un casse à 1,5 milliard d'euros. Escroquerie à la TVA sur les quotas carbone 2008-2009. Les fraudeurs montaient des sociétés pour acheter hors taxe des quotas de CO2 à l'étranger. Ils les revendaient en France sur le marché du carbone. Toutes taxes comprises, l'État a perdu gros. Plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours. Le plus gros procès en ce moment, près de 300 millions détournés et des prévenus en verve. Au début, les escrocs ne savaient pas si leur plan allait marcher. Les premières semaines, ils tremblaient de peur que les banques ne bloquent l'argent, raconte un prévenu. Mais non, et tout le monde s'est régalé, lance un autre. Les organisateurs présumés du casse du siècle n'étaient pas des novices. Mais en 2008, Samy Souyed aurait dit « on arrête les escroqueries à la petite semaine ». Avec le carbone, son ami Marco a un plan béton. Il trouve des sociétés dont il change l'objet social et augmente le capital pour inspirer confiance. Ils ouvrent des comptes à l'étranger. À Chypre, c'est trop facile, raconte Marco. Tout est prévu, même le passage éventuel par la case prison. Ma famille aurait dû toucher de l'argent, une sorte de protection juridique, reconnaît Belaïch. Il affirme aussi qu'une partie du magot est toujours à l'abri. Tribunal de Paris, 32e chambre correctionnelle, mercredi 18 mai 2016. Après plus de 2 semaines de procès, à mesure que les langues se délient, les masques tombent et les rôles se précisent dans le volet parisien de l'affaire de l'escroquerie à la taxe carbone. Les prévenus qui jusqu'ici avaient adopté profil bas côté dress code n'hésitent plus à faire étalage de leur luxueuse garde-robe. Assis dans le box des prévenus, Arnaud Mimran, par exemple, exhibe avec fierté son costume de grand couturier, couleur gris anthracite, assorti à ses chaussures en peau de crocodile. Élégant, l'ex-Golden Boy, que la justice soupçonne d'être le principal financier de la filière parisienne de l'escroquerie, il focalise sur lui toutes les attentions. À la différence de ses comparses, Marco Bouli et Samy Souyed, Mimran vient d'un milieu très aisé. De l'argent, il en avait déjà beaucoup sur ses comptes avant de se lancer dans cette affaire d'escroquerie au carbone. Alors pourquoi s'est-il engagé dans une telle entreprise? Par goût du risque? Le président du tribunal, Ami Mran, vous dites que vous n'avez fait que prêter 8 millions d'euros à Samy Souyed. Quelle assurance aviez-vous d'être un jour remboursé? Mimran, j'avais sa garantie, je le connaissais des tables de poker, il avait la réputation de tenir sa parole. Vous savez, à une époque, Samy a gagné beaucoup d'argent dans les encarts publicitaires. Le président l'interrompt. Dans des escroqueries, vous voulez dire, monsieur Mimran? Mimran, gêné, oui, il faisait dans la publicité très, très limite, oui. Le procureur, lui, tient à mettre en avant les gains gigantesques réalisés par le trio d'escrocs et leur train de vie hors norme avec cet argent volé. Pendant presque 2 ans, messieurs Mimran, Souyed et Mouly ont flambé à leur façon des dizaines de millions d'euros de gains provenant de l'escroquerie au carbone, déclare le procureur. C'est vrai que chacun des 3 hommes a mené une vie dorée entre les luxueux hôtels de Las Vegas, les villas de Miami, les boîtes de nuit de Tel Aviv, les riades de Marrakech et le triangle d'or parisien. Ils jouaient, ils s'amusaient, défiaient dans des parties de poker sans limite les plus riches princes saoudiens ou les plus fortunés des oligarques russes. Lors de leurs escales, ils achetaient au comptant appartements de luxe, restaurants, yachts, voitures de sport, italiennes ou allemandes de préférence, et de l'horlogerie précieuse fabriquée en Suisse. Et à chaque fois, c'est avec l'argent volé dans les caisses de l'État qu'il réglait les factures, lance d'un air solennel le procureur face à Mimran, mouli et consort. Dans les colonnes du journal Le Monde, le journaliste Simon Piel évoque lui aussi le faste sans limite de nos délinquants en col blanc. S'il ne fallait retenir qu'un événement, symbole de toute cette démesure, ce serait sans aucun doute la fête de Bar Mitzvah du fils d'Arnaud Mimran. Pour l'occasion, Mimran envoie à chacun de ses 600 invités une tablette iPad comme carton d'invitation. Côté musique, il s'offre les services des rappeurs Puff Daddy et Pharrell Williams. Et comme maître de cérémonie, il embauche, deux amis, le chanteur Patrick Bruel et l'humoriste Gad Elmaleh. Car rien n'est trop beau, ni trop cher quand on s'appelle Arnaud Mimran. Mais même dans le monde merveilleux du carbone, les rêves les plus fous ont toujours une fin. En effet, très vite, la répartition inégale de l'argent volé entre Mimran, Moulis, Souillet et leurs associés va susciter des tensions. D'autant que d'autres équipes spécialisées dans la même escroquerie, parfois complices, souvent rivales, ne vont pas tarder à se lancer dans une vendetta pour contrôler le monopole des gains de la bourse au quota. Dans Paris, les expéditions punitives et les règlements de compte s'enchaînent. Fin 2010, porte-maillot à Paris, Samy Souyed rencontre Arnaud Mimran sur le parvis du Palais des Congrès. Un scooter de gros cylindres se gare à proximité des deux hommes. Un individu vêtu et casque de noir descend. Il s'approche et sort un pistolet muni d'un silencieux. Il tire à 6 reprises sur Samy Souyed qui s'écroule, mort. Dans le top-case des scooters de l'un de ses amis, la police découvre 300 000 euros en liquide dissimulés dans des sacs plastiques. À la même période, à Saint-Mandé, une autre figure de l'escroquerie au carbone est retrouvée inanimée en bas de son domicile. L'homme a reçu plusieurs balles dans le corps. Puis en 2011, dans sa villa de Neuilly-sur-Seine, l'ex-beau-père d'Arnaud Mimran est à son tour retrouvé sans vie. Enfin, en 2014, le garde du corps du neveu de Marco Mouli est poignardé à mort dans le hall d'un immeuble à proximité du parc Monceau. Entre-temps, au mois de juin 2009, Bercy avait déjà sifflé la fin de la partie. Le ministère des Finances avait supprimé la TVA sur les quotas carbone pour toutes les transactions réalisées dans l'Hexagone. Pour les escrocs de la mafia du CO2, c'est la fin du bal et l'heure des comptes. On sait aujourd'hui que Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, avait alerté le ministère du Budget et son locataire Eric Woerth dès la fin de l'année 2008. Seulement, dans les bureaux de l'administration fiscale, l'affaire est considérée alors comme secondaire par les autorités et elle ne fait pas l'objet d'une enquête approfondie. Sur le plateau de Mediapart, le journaliste israélien du quotidien Haaretz, Don Alfon, revient sur le manque de réactivité de l'État dans cette affaire. D'abord, peut-être la honte. Et ensuite, une lenteur qui peut être explicable. C'est très complexe. Et enfin, je pense qu'il n'y avait pas vraiment l'idée de dire « c'est un grand scandale, il faut absolument qu'on arrête ça ». Apparemment, l'État au début, la police, la justice, a reçu ces nouvelles stupéfiantes, ces chiffres incohérents presque, tellement c'est grand, avec une sorte de flegme qu'il faudrait dire que, enfin je vais le dire, que si c'était en Israël, ça se serait su en quelques mois quand même. Parce que c'est d'une ampleur qui en fait une affaire d'État par les chiffres. Ça ne peut pas être autre chose. Mais je pense que maintenant, souvent, la France rattrape le temps perdu. Ça se passe même pour l'euro. Hein. Alors, je pense que maintenant, l'importance de cette affaire est claire et on peut voir déjà un changement de conduite sûr. Tribunal de Paris, 32e chambre correctionnelle, jeudi 7 juillet 2016. Ce matin, c'est l'heure du jugement dans le volet parisien de l'affaire de l'escroquerie à la taxe carbone. Dans le box, les regards sont graves, les mines silencieuses. Arnaud Mimran paraît contrarié. Il scrute la porte d'entrée de la salle d'audience. Les minutes passent, Marco Mouli n'est toujours pas là. L'aiguille affiche désormais 10 heures à l'horloge. Les magistrats s'installent. Mimran comprend alors que son ami, son frère, Marco, ne viendra pas. Non, il préfère tenter sa chance en prenant la fuite. Ultime provocation de la part de ces mafieux en col blanc. Quelques instants plus tard, le président prend la parole et annonce que dans ce dossier, le tribunal a voulu marquer la très grande gravité des faits. Puis il ajoute,

Vous écoutez France Inter, vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui arnaque, crime et gaz carbonique, l'incroyable histoire de l'escroquerie à la taxe carbone avec notre invité, le journaliste Fabrice Arfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable du service enquête de Mediapart, vous travaillez sur ce dossier depuis plusieurs années, au moins 3 ans en tout cas, pour la préparation de ce livre et l'écriture. Ce livre s'appelle « D'argent et de sang », il nous plonge dans les arcanes de cette mafia du CO2 à la manière d'un polar. Bah, sauf qu'ici, tout est vrai. D'abord, Fabrice, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette affaire? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, vous, le journaliste dit d'investigation, donc le journaliste au cours? En fait, c'est d'abord l'échec, enfin l'histoire d'un échec journalistique, puisque cette affaire qui est quand même la plus grande affaire d'escroquerie de toute l'histoire de France, hein, on n'a jamais volé autant d'argent en si peu de temps, a été très largement en son temps sous-médiatisée, y compris par le journal pour lequel je travaille. Et alors, pour répondre à votre question, comment c'est arrivé? C'est arrivé par la poste. C'est un courrier, une enveloppe crade, frappé du sceau de la préfecture de police, dans laquelle il n'y avait alors pas un document policier ni officiel. C'était en fait un syndicaliste policier ami de la famille Souyed, qui a été abattu, comme vous l'avez raconté, porte-maillot, qui avait glissé une lettre d'un membre de la famille qui essayait d'alerter sur l'énormité de cette affaire et surtout l'injustice de voir que les coupables de cet assassinat n'étaient toujours pas derrière les barreaux. Et moi, j'ai regardé cette lettre avec beaucoup de surplomb, pensant que c'était pas intéressant, c'était une lettre. Vous aussi? Ouais, non, comme, mais c'est... comme merci, c'est pas une affaire. Non, mais c'était, en fait, c'était une lettre comme on en reçoit souvent, avec plein de majuscules, de points d'exclamation, avec des couleurs, tout ça. Des choses bizarres sur l'enveloppe. Oui, ça ressemble à quelque chose assez parano, assez complotiste, etc. Et puis au bout, j'ai posé ça, je suis assez fétichiste, je garde les documents. Puis au bout d'un moment, le document vous regarde plus que vous-même, vous ne le regardez. Mm-hmm. Et je me suis replongé dedans et j'ai découvert ce que j'ai appelé l'affaire des affranchis français. C'est une affaire scorsésienne, mais à Paris. Alors vous dites, page 207, j'ai fini par trouver ce que je ne cherchais pas. Enfin, pas vraiment. Quand je me suis lancé dans le récit de l'affaire du CO2, de son argent et de ses vies volées, parce que vous rappelez, on pourrait dire, oui, escroquerie, il n'y a pas mort d'homme. Si, justement, il y a mort d'homme en plus. Hein. Je m'étais dit intérieurement que je sortirais de mes habituels dossiers politico-financiers, genre affaire Cahuzac ou Sarkozy, que ça me changerait. Ben, j'ai eu tort. Ouais. Pourquoi dites ça? Oui, absolument, parce que l'un des protagonistes principaux de cette filière parisienne du CO2, Arnaud Mimran, qui est le blouson doré hein, de l'histoire face aux gamins de Belleville, lui a des liens très poussés, dont la nature n'est pas qu'amicale, est également financière, avec un chef d'État qui est l'actuel Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Et c'est une piste que je n'avais pas imaginée. Et c'est pourquoi nous avons fait à Mediapart une association avec cet immense quotidien israélien qui est Haaretz et le journaliste Dov Alfon qu'on a entendu. Et nous avons, comme on disait, gorge profonde dans le Watergate, on a suivi l'argent, follow the money, et on est retrouvé sur des liens financiers entre Arnaud Mimran et Benjamin Netanyahou, au point que Netanyahou, le premier ministre israélien, a livré 4 versions différentes sur la nature de sa relation avec Arnaud Mimran. Alors, très basiquement, moi, quand il y a 4 versions différentes, j'en conclus qu'il a menti au moins 3 fois. Laquelle vous retenez? Ah ben, je retiens celle qu'il n'a pas encore reconnue, et c'est que ce que nous avons documenté, fait à l'appui, c'est qu'il y a eu des versements de plusieurs centaines de milliers d'euros à diverses périodes entre Arnaud Mimran et Benjamin Netanyahou, pour vous montrer la proximité... Pour l'État d'Israël Pour les poches personnelles. Pour les poches personnelles. Oui, de Benjamin Netanyahou. Pour vous montrer l'intimité des deux personnes, quand Netanyahou, en 2009, devient Premier ministre d'Israël, un homme est en Israël avec lui dans sa chambre d'hôtel pour faire la fête, c'est Arnaud Mimran. Et on est en plein dans, au moment, en 2009, en plein dans l'arnaque au CO2. Mmh. Alors, vous dites également, même mort ou en prison, il reste insaisissable. C'est Sami Souyed, Marco Mouli, Arnaud Mimran. Qu'est-ce qui vous interpelle? Pourquoi insaisissable? L'affaire est jugée. Pour vous, elle n'est pas terminée? Non, elle n'est pas terminée. Alors d'abord parce que le volet criminel, l'espèce de décadence criminelle de sang qu'il y a eu après l'épiphanie de l'argent, c'est toujours des enquêtes ouvertes aux tribunaux et de Paris et de Nanterre. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai voulu dire à la fin de ce livre, et la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, je suis un grand obsédé et fou des films de Martin Scorsese ou de Sidney Lumet. Et en quelque sorte, j'ai voulu rendre à cette fiction-là le réel qui peut la sous-tendre. Ce que je veux dire par là, c'est que les affranchis Ils existent en France, comme ils existent exactement à Brooklyn. Là, c'était Belleville. Et ce que j'ai voulu raconter comme histoire, c'est l'histoire de deux gamins de Belleville, Sammy Souyed et Marco Mouli, qui ont arrêté l'école très tôt, à l'âge de 10-11 ans, qui ont fait les marchés, qui ont compris très vite que s'ils devaient avoir une prospérité financière, elle se fera en dehors des limites fixées par le code pénal, qui vont faire des petites escroqueries. Et à l'autre bout de Paris, à l'autre bout de l'échelle sociale, il y a le blouson doré, Arnaud Mimran, et voilà deux trajectoires, deux lignes parallèles qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui se sont rencontrées sur l'autel d'un vice qui est le jeu, les tables de poker. Ils jouent pas pour l'argent, ils jouent pour autre chose, ils jouent pour le gouffre, le, défi, pour le vertige, le précipice, un peu comme un rapport de camé, quoi, de toxicomane à on, ça. On, a les, on retrouve ces ingrédients-là dans cette histoire-là? Ah mais totalement, le poker et même le jeu est au cœur de l'histoire et même vis-à-vis de la bourse carbone. L'État, avec cette bourse, en quelque sorte, a voulu jouer. Un marché financier, c'est une immense table de poker. La bourse des quotas carbone. C'est un grand casino, hein. Bon, et ben, il faut pas s'étonner que l'État se soit fait plumer par meilleur joueur que lui, avec quand même une morale qui est celle d'une intelligence d'instinct, une intelligence de rue, qui a dupé l'intelligence la plus diplômée du pays sur le dos du droit à l'environnement et de ce que j'appelle une sorte de capitalisme de casino. Voilà pourquoi cette affaire est pour moi une espèce de condensé d'époque absolument formidable, que ce soit le cheminement des protagonistes jusqu'à la question quasiment métapolitique qui gouverne tout le dossier, c'est l'urgence climatique et comment s'y attaquer. Alors, les trois, donc, là, se lancent dans leur plus grand jeu, dans leur plus grand casino, donc unis parce qu'il le faut. Enfin, les relations se détériorent. Pourquoi? Parce que il y a c'est cette différence sociale aussi qui joue ou pas, ou ce sont plutôt les circonstances. Si, je crois que la différence sociale, il y a quand même un substrat qui reste toujours un peu. Il faut voir que entre un Marco Mouli qui est analphabète, hein, qui sait pas lire, pas écrire, moi ma chance de journaliste c'est que j'ai pu les fréquenter. Marco Mouli, je l'ai fréquenté, j'ai fréquenté plusieurs des escrocs, j'ai évidemment fréquenté ceux qui leur courent après, mais notre boulot consiste à raconter le monde tel qu'il est, donc il faut aller au contact de tout le monde. J'ai passé du temps avec Marco Mouli, avec Grégory Zaoui, avec Cyril Astruc. Arnaud Mimran n'a jamais voulu partager un peu de son temps avec moi. Parce que leur rencontre est le fruit de quelque chose d'important, c'est-à-dire que chacun va chercher chez l'autre ce qu'il n'a pas. L'enfant de Belleville, Marco Mouli, voit chez Arnaud Mimran la surface sociale, la notabilité. Le père d'Arnaud, qui finit numéro 3 du groupe Vinci, à qui on remet la Légion d'honneur. C'est le ministre Jean-François Copé qui remet la Légion d'honneur au papa. Et Arnaud Mimran, lui, voit chez Marco Mouli ce qu'il n'a pas non plus, en tout cas ce qui l'attire. Le fumet du crime, les lignes rouges, les sueurs froides, lui qui vient d'un milieu beaucoup plus ouaté. Et ensemble, avec Sammy Souyed également, ils vont former un trio infernal. Et alors là, pour répondre à votre question, on retrouve quelque chose qui n'est plus scorsésien, mais qui est quasiment shakespearien, voire biblique. C'est la trahison, c'est la famille, c'est sur l'autel de la cupidité et de l'argent, parce que en effet, comme ça a été raconté, les gains sont mal dispersés. Certains qui avaient investi beaucoup, comme Arnaud Mimran, qui est le banquier de l'histoire, en fait. Hein. Arnaud est le banquier, Marco est le commercial, et Samy est un peu le cerveau. Quoi. Alors, pour les profils psychologiques, c'est important, mais est-ce qu'ils ont des regrets ou... Parce que, quand même, on joue, quand on perd et qu'on prend 8 ans, ça fait mal, quand même. Hein. C'est quand même terrible, quoi. Et donc, est-ce qu'ils ont des regrets? Comment ils en parlent? Ou est-ce qu'au contraire... fanfaronne pas, on a fait un grand coup. Alors moi, je ne sais pas percer l'âme et la psychologie des personnages, mais je sais que pour certains de ces escrocs, la prison fait partie du plan de carrière. Ça fait partie du plan de carrière. Donc c'est 8 ans, d'accord, mais on peut demander à sortir au bout de 4 ans. Légalement. Quand on a détourné plusieurs centaines de millions d'euros, beaucoup se disent le jeu en vaut la chandelle. Et ce qu'ils regrettent, ce qui est certain, et c'est pourquoi moi je me suis intéressé à cette filière bellevilloise et parisienne, c'est parce que c'est celle dans laquelle il y a aussi le sang. Parce que c'est la filière qui montre que sur le dos du CO2, sur l'autel de cette arnaque, le crime français a littéralement muté. Le visage du crime français a changé. les groupes criminels qui avant avaient quelques relations d'opportunité sur tel ou tel coup, il y a eu un espèce de phénomène d'immense fusion-acquisition de milieux criminels différents pour une raison simple, c'est que les montants en jeu dépassent l'entendement. C'est un défi cognitif. Il a été dit que 1,6 milliard d'euros a été dérobé au nez à la barbe de l'État en quelques mois. Ça, c'est le chiffre de la Cour des comptes qui a été donné par la Cour des comptes en 2012, donc 4 ans après l'arnaque. En réalité, on ne sait pas exactement combien l'État a perdu. Il y a certains responsables de Bercy que je cite dans le livre qui disent, pour nous, c'était plutôt entre 2 et 3 milliards et plutôt 3 que 2, alors, seulement pour la France. Alors d'où la question, pourquoi Bercy a mis tant de temps à réagir? Pourquoi Bercy a dit, c'est pas prioritaire? Oui, bon, ça s'appelle une erreur de jugement, d'accord, mais quand même. Oui, il y a eu plus qu'une erreur de jugement. Oui, alors moi, je n'abonde pas la thèse des escrocs qui disent que l'État et le gouvernement étaient complices. Hein, et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pourquoi le serait-il d'ailleurs? Je crois pas, par intérêt corruptif, qu'il y a eu des relations d'argent. Bon, j'ai pas trouvé ça, donc je n'abonde pas ça. En revanche, c'est un fiasco d'État. Et Dove Alphon, de Arrête sa raison, c'est une affaire d'État. Et c'est un fiasco d'État pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu une espèce d'impéritie de l'administration française et d'arrogance qui a considéré qu'elle n'a jamais tort. Il y a eu un surplomb de l'administration de considérer que quand même, ils n'allaient pas se faire duper par ces petits-enfants de Belleville qu'ils ne savent rien de la vie, eux qui ont fait les grandes écoles. Il y a aussi eu une sorte d'enfermement idéologique, considéré à un moment donné que le libéralisme et le marché financier étaient la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, et tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un contre-pouvoir ou à un contrôle était un frein au rendement. Il y a eu beaucoup d'incompétences et d'impréparation, et si vous mettez tout ça ensemble dans le shaker et vous secouez, vous avez l'explication pour partie de ce qui s'est passé, en plus des situations de conflit d'intérêts institutionnels qu'il y a eu dans cette histoire, puisqu'il a été rappelé le rôle de la Cour de la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui est le bras armé public de la République française, qui était à la fois propriétaire de la bourse, à la fois la tenancière du registre des personnes autorisées à commercer sur la bourse, où on vérifie rien du tout, et l'agent bancaire de cette même bourse. Ça veut dire que le verre était dans le fruit? Bah oui, bien sûr, c'était un conflit d'intérêts. C'est même ce que racontait l'ancien patron de la Direction nationale des enquêtes fiscales de Bercy, qui est une petite légende vivante de Bercy, monsieur Roland Vaillepou, que j'ai pu interviewer pour ce livre, qui disait, d'habitude, dans les types d'affaires de carrousel de TVA, il y a des sociétés écrans pour nous empêcher de comprendre. Et là, la société écran, c'était l'État, c'était nous. Même s'il y avait aussi plein de sociétés écrans de la part de vraies sociétés écrans dans les paradis fiscaux. J'ai bien compris la métaphore. Alors, dans la série maintenant, où est l'argent? Rendez l'argent. On va écouter l'archive ensemble. Sur France Culture, la journaliste Aline Robert livrait son analyse sur ce point. C'est bien là le drame, je trouve, c'est que en fraude à la TVA, les montants recouvrés, ils atteignent même pas 1%. Et sur la fraude sur le carbone, comme sur les autres fraudes, le seul endroit où l'État récupère un peu d'argent, c'est avec les cautions, et notamment les cautions du dossier marseillais. Il y en a une qui a plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais l'argent en lui-même, on arrive à le tracer, on essaie de l'identifier, on voit notamment de l'immobilier qui a pu être acheté un peu partout aux États-Unis, en Israël ou en France ou ailleurs. C'est très compliqué de prouver que cet argent était en lien avec la TVA. Donc à la fin, non, l'État, c'est des pertes nettes, c'est des milliards de pertes nettes. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette histoire de fraude, parce que pour les citoyens que nous sommes, c'est quand même une inconséquence et une malgestion de la part de l'État qui est impressionnante. Bon, vous êtes forcément d'accord, hein, ça fait quoi ce que vous disiez? On peut imaginer remettre la main sur l'argent disparu? Alors d'abord, il faut rendre hommage à Aline Robert qu'on vient d'entendre, parce que c'est la première journaliste, quand elle était au quotidien La Tribune, à s'être intéressée dès 2009 à cette histoire. Donc c'est une pionnière de ce point de vue-là sur la compréhension de ce dossier. Pour répondre à votre question, je crains que nous ne remettions jamais la main sur les fonds qui, par saut de puce de paradis fiscaux en paradis fiscaux, ont littéralement disparu dans la nature. Et en réalité, non seulement on ne sait pas exactement combien a été volé par l'État, avec des escrocs qui vivent depuis des années... par les escrocs à l'État, excusez-moi, avec des escrocs qui depuis des années vivent avec ce mantra selon lequel quand on vole l'État, on vole personne. Alors qu'en réalité, exactement, on vole absolument tout le monde. Et c'est un milieu qui, bien sûr, a quelque chose de fascinant, Il y a quelque chose de fascinant dans ces, ça manque pas de panache, mais à titre personnel, je n'ai aucune espèce de fascination, attirance pour ces gens-là qui ne rendent rien à la société de ce que pourtant elles lui ont offert. Et l'argent aujourd'hui, en effet, a été blanchi, massivement investi dans tout un tas de secteurs différents. Et l'État n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc c'est des milliards d'euros qui ont été dérobés dans la poche de chacun des contribuables français. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si les protagonistes de l'histoire que vous avez pu rencontrer pouvaient émettre certains regrets. Je pensais à ça. Est-ce qu'ils ont conscience d'avoir volé le bien public? Parce que là, si effectivement il y a du panache, admettons, on pourrait même en faire un film, c'est vrai qu'au fond du fond, c'est totalement immoral. Oui, c'est absolument... Et ça, ils n'en ont pas conscience. C'est absolument immoral et, pardonnez-moi l'expression, mais ils s'en foutent royalement. Ouais. Il y a même un des avocats, hein, qui, des anciens prévenus qui ont été deux fois condamnés, hein, y compris devant la cour d'appel, qui disait, vous savez, ce que j'entends beaucoup, c'est quand je paye mes impôts, c'est autant d'argent en moins pour ma famille, quoi. Bon. Donc, c'est l'absence de considération de ce que peut être la beauté de l'impôt. Après, on peut bien sûr considérer qu'on en paye trop, à l'impôt, etc. Le lien social. Voilà, la partie publique de notre argent privé. C'est pour ça qu'on appelle ça la solidarité nationale, et qui fait les services publics. Ces gens-là, concrètement, avec les arnaques qu'ils font, en vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans un commissariat et ils cassent tout. Ils rentrent dans une école et ils déchirent les cahiers et ils cassent les bureaux. Ils rentrent dans un hôpital et ils arrachent les stéthoscopes et ils pètent les lits. C'est ça, la fraude fiscale, concrètement. C'est le préjudice social d'une fraude et d'une escroquerie de cette ampleur, c'est cela. Et eux n'ont absolument pas conscience de ça. En revanche, ils sont ravis de se faire opérer gratuitement quand ils se cassent la jambe en scooter parce qu'ils ont roulé trop vite pour aller d'une table de poker à une autre. Donc, voilà, on est dans cet environnement-là avec une escroquerie qui a pu fonctionner dans un espèce de précipité chimique d'époque incroyable où d'un côté, nous avions des quotas. Qui quand même, le quota, c'est quand même l'illusion de la marchandise. Oui. C'est insaisissable, un quota. Et de l'autre, des sociétés fictives. Et donc, nous avions du vent et du faux. De l'insaisissable et d'insaisissable. Et du vent plus du faux, ça fait des vrais milliards et derrière, des vrais morts. Oui, ce qui s'inscrit aussi dans notre période, dans notre monde actuel, où l'économie est financiarisée, donc invisible. On a aussi du vent comme ça. Alors, quand même, avec un tel fiasco d'État, Bercy a dû prendre quand même la mesure de la situation. Est-ce qu'on sait si Bercy a pris des mesures pour ne pas retomber dans le même truc? Non, c'est le drame, je crois. En termes de TVA, non, même pas. Pour vous montrer à quel point c'est dingue, Bercy n'a jamais calculé officiellement combien les finances publiques ont perdu dans cette affaire. Jamais. Le seul calcul d'État qui a été fait... Cacher ce 5, je ne saurais voir, peut-être aussi. D'accord, mais il fallait quand même... Il y a dû rendre compte dans l'administration. Le seul calcul qui a été fait, c'est 4 ans plus tard, le seul calcul officiel, c'est par la Cour des comptes. Donc, c'est une affaire proprement honteuse pour l'État français, et je ne crois pas, malheureusement, que toutes les leçons ont été tirées, et que ce type de pratique, parce que les escrocs, ils sont mobiles, dès qu'ils voient le mot TVA, dès qu'ils voient un marché émergent, comme des bandes de piranhas, ils fondent sur cette proie-là, et je crains que ce type d'escroquerie va pouvoir avoir lieu à nouveau. Une dimension, la dernière, quand même, la dimension du crime, hein, cette affaire, faut le rappeler, a généré des crimes, donc il y a une forme de délinquance financière un peu, pardon, originale. Là, c'est pas très original, il y a aussi ce côté-là, ce côté meurtre dans la rue. Ah bah c'est même des commandos professionnels qui dans les beaux quartiers descendent des gens, alors parfois des escrocs condamnés, mais parfois de simples témoins ou victimes pures entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, parce qu'à partir du moment où on se fait assassiner, qu'on soit escroc ou pas, on est une victime. Mais par exemple, le beau-père d'Arnaud Mimran, Claude Drey, c'est le mystère de la Chambre jaune, s'est fait assassiner de 3 balles dans la tête dans la nuit du 24 au 25 octobre 2011 dans sa villa à Neuilly-sur-Seine. Et 7 ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas résolue par la justice française. Toute dernière chose, il reste 15 secondes. Le coup de filet n'a pas été global. Il en reste dans la nature. Il en manque toujours. Mais aujourd'hui, l'immense défi judiciaire, ce sont les affaires criminelles. Bien sûr. Merci infiniment, Fabrice Arfi. Merci à vous. Votre livre s'appelle D'argent et de sang, le roman vrai de la mafia, des CO2, publié par Le Seuil. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Arnaque CO2, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Et merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui.